cœur de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM aujourd'hui, je suis avec Olivier. Bonjour, comment ça va? Bonjour Laura, ça va très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Alors, j'habite à Rupt-sur-Moselle, je suis vosgien d'origine, on va dire. Je suis sculpteur sur bois et voilà, ma vie, ma passion, c'est un peu ça. C'est quoi les sculptures des Vosges? Alors, sculpture des Vosges, ça veut dire un peu que je suis vosgien, que le bois que j'utilise vient des Vosges. Je ne fais pas d'importation ni de... Voilà, j'utilise tous les bois de la forêt qui nous offrent. Ici, on est assez peuplé en feuillus, en résineux, donc il y a le choix. Et les sculptures, disons que c'est des idées personnelles. Et comment après, il y a des idées, on travaille avec le client, bien sûr, mais en général, le projet, moi, j'aime sculpter ce qui me vient par la tête. Voilà. J'ai vu via votre book qu'il y avait pas mal de choses qui vous passaient par la tête, pour le coup. Bah, la vie avance et on a toujours de nouvelles idées, c'est ça. Oui. Bah, c'est bien, parce que si on fait toujours la même chose, on s'ennuie, puis les gens, ils regardent même plus ce que vous faites, finalement. Ah, le travail d'usine, j'ai connu, donc je ne veux pas retourner dans cette histoire de continuité, de travail répétitif. Donc oui, je reste dans l'art et de la pièce unique, quoi, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre entreprise? Oh, mon entreprise, je l'ai créée il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire. Parce qu'avant, bah, j'étais ouvrier. Après, je gère toujours un camping à Rupt-sur-Moselle. Donc c'est un complément à ma vie. Et voilà, quand le camping est fermé, je fais de la sculpture et vice-versa. Donc c'est un apport, quand il y en a un travail qui me fatigue, je prends l'autre. C'est un bon bonus. Eh ben, j'adore. C'est super de faire ce qu'on aime. Ah, c'est une... oui, c'est, je veux dire, c'est plus un travail. Parce que l'origine du mot travail, la torture. Voilà, vraiment, si vous voulez regarder dans... Donc, le travail, il faut pas trop en parler, il faut plus parler de plaisir, d'aller faire ce qu'on a envie, et le faire bien, bien sûr, c'est ça. Moi, je me relaxe quand je travaille, normal, il y a plus de temps, il y a plus de saison, il y a plus de... Voilà, le moment est continu, et tant que je m'arrête pas à faire une petite pause, et ben voilà, je suis dedans. Et dans quelles conditions vous créez? Est-ce que vous aimez la musique ou est-ce que vous préférez le silence? Parce que ça dépend des artistes. Il y en a, il faut qu'il n'y ait pas un bruit. Puis il y en a, ils sont plus créatifs avec de la musique à fond. Non, moi, pas de musique. j'aime bien entendre le coup d'outil pour entendre le bois, comment il travaille, comment il craque, voilà, la résistance. Et puis, oui, c'est peut-être être en osmose avec la liberté, justement, les oiseaux qui chantent autour de moi. Et je préfère. Mais c'est pareil en voiture, je mets jamais de musique. Il faut entendre le moteur, savoir si le pneu il tient bien la route et tout ça. Est-ce qu'on peut visiter votre atelier ou pas? Ah oui, volontiers, oui. En général, si on me téléphone, je suis assez disponible, voilà. Il suffit de se donner un rendez-vous et vous pouvez venir. Mon atelier n'est pas exceptionnel à visiter, on va dire. J'ai plus de petits bouts de bois à faire quelque chose dedans que de pièces déjà réalisées. En général, je travaille pour moi et des commandes spéciales, donc elles partent tout de suite et voilà, j'ai pas trop de stock de sculptures à vendre ou je fais au compte-goutte. La vie se passe tellement vite qu'on a plein de choses à faire, donc il faut faire un peu de tout, voilà. Vous me disiez hors antenne que vous proposiez des cours. Oui, aussi, disons que j'ai déjà fait quelques cours comme ça, on m'a demandé, donc je pense que si la personne est désireuse d'apprendre le métier, moi, je suis prêt à partager mes connaissances, mes outils, et pour commencer, voilà. Et si ça peut développer une bonne énergie, je suis d'accord. Ah, vous me disiez aussi que ça demande un certain physique. Voilà, la sculpture, oui, il faut déjà être manuel, il faut être presque ambidextre, et une force quand même pour tenir l'outil, pour taper sur la massette, et après, voilà, et s'il faut tenir une tronçonneuse pour tailler plus grand, ben, il faut plus de force, automatiquement. Il faut des habits de sécurité, je suppose, des gants, les lunettes, etc. Non, en sculpture, non. Non, non, il n'y a besoin d'aucune protection, on va dire. Le casque n'est pas obligatoire, c'est vraiment l'outil quand il se fait taper dessus, c'est un manche en bois, donc ça ne fait pas trop de bruit. Et autrement, ben, si on prend une tronçonneuse, oui, on met un casque, c'est sûr. Ou si on joue avec la disqueuse, ou si, voilà, c'est sûr, il faut se protéger comme il le faut, oui, quand c'est utile. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre profession? Vous faites quoi, du coup? Alors, disons que j'ai étudié, comment, à Neuchâtel, la sculpture. Après, j'étais à Luxeuil pour la marqueterie. Je suis en train de dire des bêtises. Non, Lunéville pour l'ébénisterie, oui, c'est ça. Et donc, j'ai appris tous ces corps de métier. Je voulais en faire comme restaurateur de vieux meubles, tout ça. Et la vie a avancé et on fait autre chose. Donc, maintenant, je suis propriétaire du camping. J'ai mon entreprise de sculpture sur bois. Et comment je me développe entre les deux, trois métiers-là. Voilà, c'est ça. Pourquoi avoir choisi de faire ça, de cette profession avec le bois? Pourquoi travailler le bois principalement? Ça, c'est une bonne idée. À l'époque, on vous demandait, à l'école, on n'était pas fait pour les études, on vous demandait tout de suite ce que vous vouliez faire. Donc, mon grand-père m'avait offert un petit couteau quand on était très jeune. On s'amusait à faire des arcs, des flèches, et le bois, je pense que j'avais le contact avec, ça me plaisait au toucher. Et peut-être que parce que mon père était chauffagiste, alors j'ai dit non, je veux pas toucher les bouts de tuyaux. Ah, c'est pas du tout la même ambiance pour le coup. Voilà. Donc je pense que c'est tout petit, on va dire, que j'aime le bois. Et après, ben, j'ai eu la chance d'arriver à Neuchâtel pour apprendre la sculpture et ça a été une révélation, on va dire. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession? C'est qu'il faut se concentrer, donc on pense pas à rien d'autre. C'est que on peut imaginer, on peut créer. Qu'est-ce qui me plaît d'autre? C'est l'échange, peut-être. Ah, l'échange avec les gens quand ils sont très contents de la sculpture, c'est un vrai bonheur. Voilà, c'est ça, c'est déjà à moitié payé, on va dire. Et oui, les échanges sont très importants. Voilà. J'ai fait quelques symposiums où on rencontre des gens du monde entier, et vraiment, c'est passionnant. Est-ce que vous travaillez tout seul ou pas? Ah oui, oui, exclusivement tout seul. Sauf avec votre femme pour la partie communication. Du camping, voilà, et puis elle s'occupe aussi un peu du camping, donc voilà, c'est ça, on a une vie, on a trois enfants, un chien, donc la vie est bien comblée. Nous allons faire une première pause musicale avant de continuer de parler de votre entreprise et de vos créations. À tout de suite sur le 107. Avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux, j'aurais vécu obscur et sans esclandre en gardant le cœur tendre le long des jours heureux. Pour faire des vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin, pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Pas se casser le cul, savoir se prendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. C'est pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Olivier. Alors pourquoi ce choix musical ? Ah, ça prouve mon âge qui est un peu élevé, on va dire. Serge Gainsbourg, c'est une personnalité qui a compté pour moi dans ma vie, bien sûr, par son choc thermique qu'il arrivait à donner à tous. Et comme Coluche, comme Balavoine, voilà, des gens, des acteurs du monde. Dommage, voilà, c'est ça, ils sont tous partis et il n'y a plus grand monde pour les remplacer. De grands interprètes et de grands compositeurs aussi. Voilà, c'est ça, ils étaient auteurs, compositeurs, interprètes, ils savaient faire les choses, ils savaient se donner, ils avaient le bonheur de faire leur travail comme le mien, je pense, voilà, c'est ça. On va revenir du coup sur vos créations. Quel bois est-ce que vous manipulez, Olivier ? Le bois, un peu tous les bois de la région. Voilà, donc le tilleul, c'est le bois du sculpteur parce qu'il a un grain assez homogène. Il se tient bien dans le temps. On peut lui donner une bonne finition. Et autrement, je vais jusqu'au résineux qui désaffûte les outils, qui sont plus abrasifs à cause de la résine. Voilà. Donc tous les bois sont bons à sculpter. Parce que le jour où on veut faire une pièce de 1 mètre de diamètre, c'est plus facile de trouver un gros résineux qu'un gros feuillu. Donc voilà, et si on le met à l'extérieur, mieux vaut prendre un résineux, il durera plus dans le temps. Voilà, si la sculpture va à l'intérieur, on peut prendre tous les bois. Après, ce que je préfère, on va dire, c'est l'olivier, bien sûr. Et le pommier, le poirier, le cerisier, tous les arbres fruitiers sont magnifiques. Ils ont chacun leur couleur qui appartient un peu aux fruits si on regarde bien. Ils sont très durs par contre, c'est du bois vraiment dur à sculpter. Mais le plaisir de la finition, voilà, c'est ça qui importe. Et la couleur du bois, le veinage, moi j'adore quand le veinage est différent. Et de tous les bois que vous manipulez, c'est lequel qui est le plus facile à faire quelque chose avec ? C'est le tilleul, ouais, c'est ça, parce que l'outil pénètre bien dedans, il a très peu de résistance et on utilise moins de force, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le plus agréable à sculpter pour le sculpteur. D'accord. Alors j'ai vu via votre site internet le book que vous avez apporté, que vous faisiez des personnages. Je fais des personnages, oui, j'ai fait mon autoportrait, on va dire, pour commencer. Et qui est au bout de la route du camping à Rupson-Moselle, voilà, vous pouvez la visiter quand vous voulez. Elle fait 3,50 m de haut, on va dire, donc c'est un petit lutin qui saute sur un champignon et avec son petit sac à dos, voilà, il repart du camping ou il y arrive, c'est comme on veut. Combien de temps est-ce qu'il vous a fallu pour faire ça ? Alors celle-là, oh, il m'a fallu peut-être une semaine, on va dire. C'était pendant le premier confinement, voilà, on n'avait pas le droit de sortir, donc j'étais dehors chez moi, voilà, donc c'était plus facile pour s'exprimer, et il y avait du soleil, c'était très bien, il n'y avait pas trop de circulation. Et pour le coup, vous étiez tranquille. Voilà, j'ai passé, on va dire, j'étais pas trop perdu, j'ai l'habitude de me ressourcer en famille et comment tranquillement avec les amis, ouais, plus que de parcourir le monde et chercher l'aventure. J'ai vu que vous avez sculpté également des mains. Elles sont assez conséquentes pour le coup. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Oui, c'était au festival de sculpture Camille Claudel à La Bresse. Et le thème était dualité. Donc j'avais fait un coup de main, un coup de poing, en disant que c'était une dualité, la main gauche, la main droite. Il y en avait une fermée, obscure à l'intérieur, une main ouverte avec de la clarté. Il y avait un damier en dessous, noir et blanc, bien sûr, pour pareil, ce contraste. Et je disais que voilà, si on donnait un coup de poing pour te délivrer de prison, peut-être que c'est un coup de main qu'on te donne, et que si en donnant un coup de main gentiment à ta femme, c'est un coup de poing qu'on te met dans le cœur. Donc voilà, ça pouvait faire les deux. C'était des idées comme ça dans ma tête. C'est très poétique, ça, du coup. On essaye d'être un peu philosophe. Alors vous créez des pendentifs, on en parlera juste un petit peu après, mais vous faisiez d'autres choses comme un damier par exemple, on a un hibou en porte-boîte aux lettres aussi. Voilà, c'est ça, les idées se créent au fur et à mesure et les gens voulaient un pied de boîte aux lettres en chouette. Et donc je dis, oh oui, c'est dommage de mettre la boîte aux lettres au-dessus de la tête, donc il faudrait prendre un arbre plus gros et faire ça une pièce de 2 mètres de haut et mettre le corps de la boîte aux lettres dans le corps du hibou. Et ça leur a plu, donc on était parti sur ce projet. Elle est chez un client au Ménil. Bah, du coup, les transporteurs, ils peuvent plus avoir d'excuses pour dire « Ah, j'ai pas trouvé votre adresse ». Exactement. Une fois qu'on a ça devant la maison, je pense que tout le monde déjà s'arrête pour regarder des fois. Et les livreurs, c'est sûr qu'ils peuvent pas le louper. Vous faites quoi d'autre aussi? J'ai vu des petites planètes avec une petite déco bien travaillée. Ça. Bah, c'est un peu notre planète Terre. Et j'espère un jour que la nature prendra le dessus et qu'on arrêtera de la polluer. Voilà, c'est ça. Et peut-être qu'on sera plus là pour voir ça, ça sera peut-être aussi bien. Donc, c'est des petits projets de la vie comme elle se passe au fur et à mesure des années. Voilà, c'est ça. J'ai fait un petit sablier aussi, à moitié plein, à moitié vide. Et à 45 ans, je me suis dit que peut-être que ça serait la moitié de ma vie, ça serait joli. J'ai vu que vous aviez participé à un festival, Camille Claudel. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je participais au festival à la Bresse, Camille Claudel, un super festival avec des artistes sculpteurs sur bois principalement. Il y avait quelques sculptures sur pierre et sur métal, voire du bronze, des coulages de bronze. Donc c'est un échange, voilà, justement, avec tous ces gens du monde, du Burkina Faso, de l'Italie, de l'Espagne, enfin bref, du partout dans le monde. Et c'est très important, très enrichissant, ça nous rapporte beaucoup de couleurs, de lumière, de bonté, surtout. Je pense que tous les gens, organisateurs comme sculpteurs, sont vraiment ravis de faire grandir l'art, et c'est important de continuer, c'est sûr. Voilà, et j'ai fait quelques autres festivals, à la Brèche, j'ai participé 3 fois. Et après, en Belgique, j'ai été aussi, et l'année dernière, j'ai fait le festival des Monumentales à Mircourt, les Mercurciennes. Pareil, un super festival, très bien organisé. Donc, je remercie tous ces gens qui nous font avancer dans notre travail et nous laisse pas tomber et nous invite à rencontrer des acheteurs, pourquoi pas, et c'est très important pour nous, bien sûr. J'ai vu que vous faisiez aussi des pendentifs. Alors ça, c'était une époque où je faisais des pendentifs, boucles d'oreilles, et après les filles, bien sûr, me demandaient des bracelets, mais j'ai dit non. Donc, oui, je suis créateur, on va dire. Un jour, je prends une petite planchette de bois, je dessine, et après, la gouge, soit elle fait du creux, soit elle fait du relief, soit ça dépend la journée, comme je sculpte, et ça fait toujours un bijou différent, original. Donc, j'essaye d'être... Oui, c'est ça, d'être original, pas de répéter toujours la même chose, ça c'est sûr. Vous me disiez aussi, Rantaine, que le bois, on peut pas l'utiliser n'importe comment. Ah, le bois, il faut, oui, déjà le sécher un peu, si on veut le travailler justement pour ses petits bijoux, pour tout ce qui est pièces d'intérieur. Et après, quand c'est très gros, on peut pas le faire sécher. Donc automatiquement, il va un peu gercer. Et la sculpture, voilà, il faut réussir à la mettre dans le sens où la gerce ne va pas couper la sculpture en deux, ne va pas détériorer sur la face, quoi, on va dire, de la sculpture. Donc le bois se fait sécher, c'est sûr. On peut le travailler humide aussi. Et moi, je préfère quand il est sec, bien sûr. La finition est bien plus belle. Dans votre book, vous m'aviez montré une de vos créations où le bois, on dirait qu'il est tellement clair, on dirait que ça ressemble à du marbre un peu. Ah oui, celui-là. Alors celui-là, il a vieilli un peu trop dehors avec l'humidité. Donc c'est comme une petite moisissure, un champignon qui s'est mis dans les veines et qui a marbré un peu le bois. On dit que c'est du bois chauffé. Et donc c'est très joli en visuel. C'est magnifique, on dirait du marbre, comme vous dites. Mais c'est très fragile parce qu'il arrive à une certaine résistance. Il est resté trop longtemps dehors, il a pourri un peu trop. Donc il faut pas que ça soit trop non plus et que ça tombe en poussière. C'est juste entre les deux et c'est vrai que c'est assez magnifique. Quel genre de modèle est-ce que vous proposez pour les bijoux, les pendentifs, etc. Est-ce que c'est à la demande, par exemple, parce qu'une personne peut vous soumettre ses idées, par exemple, si elle veut un dauphin ou... Carrément, j'ai déjà fait des tronçonneuses, des pelleteuses, des tracteurs, des motos, des... Donc oui, chacun, soit on peut le prendre en bijoux, soit on peut le prendre en porte-clés, voilà, c'est ça. Donc c'est une petite pièce qui fait quelques centimètres, 3-4 centimètres de long, voilà. Et après, oui, ça a la demande, bien sûr. J'ai refait tous les logos anarchistes ou Peace and Love, ou alors le yin et le yang. Voilà, c'est ça. J'ai même fait One Piece un jour pour un petit gamin qui voulait One Piece. Donc, il suffit de trouver la belle photo sur Internet et on peut la dupliquer. Oui. Et vous utilisez quoi comme matériaux? Pour les petits bijoux, c'est le même, c'est du noyer, ça dépend si les gens veulent du bois clair ou foncé, hein, si le bijou doit être foncé ou clair. Donc après, il suffit de discuter de l'érable est très joli, le frêne, voilà, c'est ça, il y a beaucoup de bois chez nous pour arriver à trouver la bonne couleur. Et les outils, vous prenez quoi du coup? Alors les outils, j'ai un panel de gouges, on va dire, que je me suis acheté très jeune, justement en sortant même à l'école, j'en avais déjà quelques-unes, donc j'étais vraiment passionné par ce métier. Et au fur et à mesure, on en achète une, deux, trois, et après on en a 50, et avec ça on arrive à bien travailler, c'est sûr, on peut aller partout. Donc du coup, pour faire un porte-clés, c'est vraiment celui qui a le bout le plus fin pour le coup? Ah non, chaque outil a sa spécificité, on va dire. S'il faut un rayon de tel diamètre, eh ben on a une gouge qui fait le rayon. Et après, on redescend tous les diamètres, et toutes les largeurs. On a des toutes petites gouges, on a des ciseaux plats, bien sûr, des méplats. Ça veut dire ils sont légèrement cintrés. Et on a le néron, le burin. Voilà, il y a des outils qui sont un peu spéciaux, spécifiques pour enlever du bois justement à un endroit où on peut pas l'enlever avec une autre couche, quoi. Donc l'essentiel de la sculpture, c'est de bien tenir son outil et après savoir lequel utiliser par rapport au travail qu'on a exécuté. Voilà, c'est ça. Chaque gouge a sa spécialité. Et pour les créations personnalisées, quel genre de taille vous proposez, les pendentifs, etc., les porte-clés? Ah ben c'est la taille d'un porte-clés ou d'un pendentif. Je ne fais pas plus gros, je fais pas. Je peux faire de 4 cm, faire un petit bijou de 4 cm ou 3 même, on va dire, jusqu'à une sculpture monumentale comme un Mirecourt qui faisait 4 mètres de haut. Donc voilà. J'ai vu que vous proposiez des devis sur votre site internet. Comment ça se passe, ça? Eh ben, il faut discuter de la sculpture. Après, je préfère rencontrer la personne pour vraiment être en communication, vraiment, voilà, c'est ça. Mais il suffit de me demander quoi réaliser, la grandeur, parce que c'est ça aussi, il faut acheter le morceau de bois. Si c'est 2 mètres, c'est pas pareil qu'une petite planchette pour faire un bijou. Et comment après, il faut, ça dépend la réalisation qu'il y a à faire. Voilà, s'il faut 1 mètre de diamètre, il faut 1 mètre de diamètre. Si on peut faire que dans 50 centimètres, j'essaye d'utiliser un maximum le bois sans en gâcher beaucoup. Voilà, les chutes des fois sont toujours réutilisables pour refaire une autre œuvre dedans. Et le bois, c'est important de lui redonner une vie pour moi. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous colorez vos créations? Est-ce que vous utilisez du vernis, par exemple? Alors la coloration et le vernis, je pense que c'est différent. La coloration, c'est quand on met de la peinture un peu pour faire ressortir le. Alors ça, je me suis jamais trop amusé parce que j'aime le veinage du bois comme sa couleur. Donc je pense qu'il faut laisser naturel le bois. Et si je vernis, donc c'est naturel. Je colore jamais vraiment couleur acajou. Voilà, c'est ça. C'est pas mon style. Non, je laisse nature. Voilà, c'est plus mon style. Comment est-ce que vous créez des porte-clés? Parce que plus c'est petit, plus c'est difficile à fabriquer ou pas? Ah, ça prend du temps, c'est sûr. C'est surtout la finition, quoi. Parce que, comme c'est petit, il faut que 2-3 coups d'outil ou voilà, c'est pas très long pour redonner du relief. Mais après, c'est la découpe autour du bijou, la finition autour du bijou qui prend un peu de temps, le vernis, voilà, c'est ça, le petit piton pour accrocher au bout de la ficelle. Donc, c'est toutes ces petites étapes qui font qu'après, on a passé peut-être une demi-heure à réaliser un petit bijou. Est-ce qu'il est possible de commander vos créations sur Internet? Oui, je pense, oui. La page doit être grande ouverte. Je vais vous dire franchement, je ne suis pas trop le spécialiste, c'est plutôt ma femme qui gère après et me dit, et je communique avec les clients par la suite, voilà, c'est ça. Mais je préfère quand on se rencontre de vive voix, que je vois les gens, j'aime bien travailler pour une personne que j'ai confiance, à qui je peux donner une sculpture, voilà, une de mes œuvres. Je ne serais pas à distribuer ça à Paris pour faire de l'argent, non, c'est pas mon truc. Justement, vous avez déjà eu des personnes dans des pays francophones ou ailleurs qui vous ont déjà acheté des créations ou pas? Non. Je ne pense pas. Il y en a une qui est en Nouvelle-Calédonie en ce moment, mais c'est parce qu'elle voyage et tout. C'est la sculpture qui voyage, je ne sais pas.

a Mercedes Benz. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Olivier. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet, Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Alors merci pour ces choix musicaux. Merci de les avoir passés, ça me touche. Parce que Bob Marley, je vais avoir la chanson en tête pendant toute la journée. Alors si ça peut donner du baume au cœur, se lever, bouger et vivre sa vie, c'est bien. Mais Janis Joplin, elle a une voix extraordinaire. Janis Joplin, à chaque fois que je l'écoute, il y a le poil qui hérisse parce qu'elle donnait toute sa voix, son cœur, son énergie. On voyait que ça venait vraiment de l'intérieur. C'était des gens qui savaient englober tout un tas de gens. Ils aimaient tout le monde et ils faisaient bouger des masses. C'était vraiment exceptionnel. Ouais. Comment est-ce que vous êtes fait connaître avec votre entreprise ? Alors, c'est petit à petit, c'est du bouche à oreille, on va dire, plus que de la grosse publicité. Donc, c'est au fur et à mesure que les gens apprécient, voient ce que je fais et comment elles me font confiance. Voilà, c'est ça. Donc, il faut, oui, ce sera un peu des années pour aussi maîtriser le métier, parce que faire un visage, c'est pas évident. Faire, une main pour qu'elle soit bien proportionnée, équilibrée, bon. Et donc, c'est des années d'expérience qui font qu'on fait petit à petit ce qu'on a à faire. Comment est-ce que vous êtes établi un réseau de contacts ? Je suis déjà Vosgien, donc mes parents connaissaient déjà des Vosgiens avant. et disons qu'avec le camping, c'est facile aussi de rencontrer des gens de France, d'étrangers, de... voilà. Ah oui, il y a quand même des sculptures en Belgique. Excuse-moi, tout à l'heure, tu m'as parlé. tout d'un coup, je viens de penser à un ami. Et la prochaine va partir en Allemagne. Exact. Ah, je m'exporte maintenant, en fin de compte, en réfléchissant bien. Est-ce qu'il y a certaines de vos créations dans votre camping, justement ? Alors au camping, oui, il y a le cendrier à l'entrée des sanitaires. C'était une sculpture que j'avais réalisée aussi à la Bresse et je ne savais pas trop quoi en faire. Et comme c'était l'excès de la bêtise humaine, je voulais pas trop garder ça à la maison, je l'ai mis plutôt à l'extérieur. Donc oui, il y a des sculptures pas loin, au bout de la route, voilà, c'est ça. Il y a la grande sculpture que je vous ai parlé tout à l'heure. Et mon pied de boîte aux lettres, c'est une sculpture et... Maintenant, oui, j'en ai quelques-unes à la maison. Il y en a une qui est toute nouvelle, là, qui vient d'arriver à Rupt-sur-Moselle-Centre, devant chez l'affineur Courroy Albert, Nathalie, maintenant ma cousine. Donc, j'ai fait le corbeau et le renard. Voilà. Parce que il me demandait une pièce pour mettre devant une fromagerie. J'ai dit, il faut le fromage. Donc, ça m'est venu à l'idée. Et comment, elle fait 2 mètres de haut, un peu plus même. Un gros Douglas. Donc elle est très bien devant le magasin et je pense qu'elle va se faire voir par des touristes et comment tous les gens de rue, s'ils veulent venir l'admirer, il n'y a pas de souci. Hormis le festival Camille Claudel, à quel genre d'événement vous avez déjà participé ? Eh ben là en Belgique, un symposium pareil avec c'était dans la vallée du Libramont, c'est ça, et à Mirecourt. J'ai fait des monumentales l'année dernière, en été, c'était au mois de mai-juin, je ne sais plus trop. Donc une semaine avec d'autres concurrents, il n'y a pas de prix à gagner, c'est juste notre art qu'on veut montrer aux gens qui s'intéressent à cet équilibre entre la nature, l'œuvre qui a été réalisée par l'artiste et puis rencontrer l'artiste parce que tous ces gens sont très simples et en fin de compte on peut discuter facilement avec les gens. Voilà. Est-ce qu'on a déjà pu vous retrouver sur un marché de Noël ? Oh, marché de Noël, oui, j'en ai fait quelques-uns. C'était plus pour des associations, des associations d'école ou de trucs comme ça. Donc là, je répondais présent. Je participe à certains marchés. En général, c'est qu'on me le demande gentiment. C'est pour une association, c'est pour une œuvre, une bonne cause, on va dire. Et après, j'ai fait un peu le Germont-Val d'Ajol quelques années, c'est ça. Plus, j'organise aussi 2 petits marchés chaque été au camping, le 22 juillet et le 12 août. Et là, il y a tout un tas d'artisans qui sont autour de nous et on fait une fête de l'arrêt de l'artisanat local, c'est ça. C'est toujours une bonne occasion de se rencontrer, de manger, de boire un petit coup ensemble, de partager. Et en général, les gens sont ravis de repartir avec beaucoup de nouvelles choses dans les yeux et de nouvelles idées, on va dire. Dans quel genre de manifestation on pourra vous retrouver prochainement ? on m'a proposé, non, c'est, disons que comment les symposiums sont faits, que c'est à nous de nous renseigner quand c'est, il faut lancer un projet par rapport au thème, bien sûr. Donc après, il faut que je prenne un peu de temps pour faire mes autres métiers, et que moi, j'ai jamais d'organisation, je suis pas obligé de toujours aller à la recherche de ces symposiums pour me faire un peu d'argent, pour vivre. Donc, j'ai un autre état d'esprit, moi, quand je fais une sculpture, c'est vraiment pour une personne, je prends le temps de lui faire, et après, le prix, c'est pas vraiment le principe, de base. J'ai un autre métier. Je suis pas à la recherche de toujours avoir des commandes et des commandes d'avance. J'ai plutôt l'esprit libre et je vis au fil des jours et la vie m'apporte à chaque fois assez de travail pour ma petite personne, voilà. Est-ce qu'on a déjà pu vous retrouver sur un marché artisanal? Eh ben, le Girmont Val d'Ajol, j'y ai participé pendant 5-7 ans peut-être. Le temps passe vite. Donc c'était tous les vendredis soirs, c'était assez agréable. On était une bonne équipe de commerçants, d'artisans, tous des gens qui fabriquent, qui produisent, qui se lèvent le matin pour faire quelque chose de leur vie et pour apporter aux autres. Parce que en général, quand on le vend, c'est que ça plaît à une autre personne, quoi. Donc ça fait un réel plaisir de voir que ce qu'on peut fabriquer peut être apprécié. Voilà. J'ai été aussi un petit peu en Alsace. J'ai essayé de faire quelques marchés. Est-ce que vous avez des futurs projets avec votre entreprise? Pour le moment, pas vraiment. Il y a des symposiums, donc il faut que je puisse lancer des projets, avoir des idées, bien sûr. Après, il faut être sélectionné, ça c'est encore une autre étape, avant de pouvoir se délocaliser et comment sculpter pendant une semaine. En général, c'est des symposiums d'une semaine. Donc c'est toute une organisation et là, avec mon autre métier, donc j'ai pas beaucoup de temps à moi. Ben si, j'en ai beaucoup, mais il est très occupé. Et donc je suis pas à la recherche de nouveaux symposiums tous les ans. Je me laisse aller et quand on m'en propose un ou quand l'idée me vient, j'essaye de participer. Voilà, on se met en arrangement avec ma femme, celle qui travaille, qui fait tout le boulot après, parce que je suis parti une semaine, c'est des vacances pour moi. Donc j'essaye de pas trop non plus faire ça, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, oui, il y a Sculpture des Vosges, voilà, vous pouvez rencontrer sur le site. Et après, oui, toutes ces informations Internet, je ne suis pas très qualifié. Autrement, c'est le 3 rue du Camping à Rupsau-Moselle. Alors, c'est très pratique de venir jusqu'à moi ou de téléphoner un petit coup avant et comme ça, on se rend compte, il n'y a pas de souci. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à votre entreprise et vos créations? Eh ben, je pense que j'en fasse encore quelques-unes par an, tous les ans, que je puisse faire ça encore pendant, il reste plus que 45 ans maintenant, il en reste un peu moins. Mais encore une bonne trentaine d'années, si j'arrive encore à taper sur le bout de bois, je serai content. D'être inspiré aussi. L'inspiration, je pense que c'est pas trop mon problème. Voilà, c'est plus avoir l'envie de le faire, ou pas l'envie, mais la capacité de pouvoir encore le faire pendant des années, ça me plairait bien. D'accord. Est-ce que par exemple vous aviez une idée d'une création en tête, mais une fois que vous la faites, vous êtes un peu déçu? Ah, il m'est déjà arrivé de laisser quelques sculptures tomber. Oui, c'est ça. Une petite clé de sol que j'avais réussi à faire avec, c'était plus avec une ligne de vie, donc la clé de sol se finissait jamais, elle était toujours en harmonie avec elle-même, quoi, elle tournait autour d'elle-même, enfin bref. Donc celle-là, elle a pas été finie vraiment, on va dire, elle est dans mon atelier. Il y en a une aussi, j'avais fait une farandole et le bois s'est mis à travailler, donc je l'ai un peu laissé courir pour le moment, mais je pense que peut-être que j'aurai une idée pour la reconsolider et en faire vraiment quand même une farandole de gens joyeux autour d'un feu. Oui. Vous disiez que vous y avez 3 enfants, mais est-ce qu'il y en a un qui s'intéresse à ce que vous faites, qui aimerait faire comme vous? Alors, mes enfants ont fait des études un peu dans la construction, bois, c'est ça. Mais pas ma fille, bien sûr, elle a fait autre chose. Mais disons que je ne pense pas qu'ils se mettront à faire de la sculpture comme moi, ou peut-être quand je serai mort, ils reprendront mes outils et se mettront à me regretter, voilà. Alors cette émission est maintenant terminée. Olivier, merci d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Ben, j'espère avoir été intéressant pour les auditeurs et avec grand plaisir, je reviendrai à Radio Gamozo. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle de Tour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde!